Je circulais en feu de route sur cette route de campagne, ce qui est logique dans la mesure où personne ne me précédait et que l'absence de ligne de rive est réellement un handicap la nuit. J'arrive à hauteur d'une intersection où une voiture est arrêtée à un stop. Il est évident que dans cette situation, j'éblouis ce conducteur et bien qu'il ne soit pas en face de moi, par courtoisie, je passe en feu de croisement tant que je roule vers lui. Réponse B.